assez de pétrole et comment on peut produire de l'énergie avec des insectes et des plantes à partir d'un catalyseur à base de fer. Alors, tout part de cette réaction chimique. Approchez, approchez. Bon, c'est pas grave. Merci. Alors, le principe est simple. Il faut récupérer une molécule qui s'appelle l'acide formique. On la met en présence d'un catalyseur à base de fer. Et ça se fait à température ambiante où on peut chauffer un petit peu jusqu'à 80 degrés. Et on obtient la formation de deux gaz, le dioxyde de carbone et le dihydrogène. Donc, le dihydrogène, c'est un gaz qui spontanément va s'oxyder et donc brûler avec l'oxygène pour produire de l'eau. Et brûler 1 litre de dihydrogène, ça donne l'équivalent en énergie de 3 litres d'essence. Donc, pour faire cette réaction, on a besoin d'un catalyseur, c'est-à-dire un métal qui est préparé d'une certaine façon et qui, mis en présence de l'acide formique, va faire la réaction. Le catalyseur en question, c'est un catalyseur à base de fer. C'est le Fe3, CO12, Pf3. Bon, ça c'est le côté un peu technique. Le principe, c'est que comme c'est un catalyseur qui est à base de fer, c'est une ressource qui est très, très facile à obtenir et qui coûte pas cher. Donc, pour ce qui est de l'acide formique, c'est un liquide, c'est une molécule qui est produite par différentes choses dans la nature. C'est produit par les fourmis dans leur venin. C'est à peu près 90% de leur venin. C'est aussi produit par les orties. Quand vous touchez un ortie et que ça vous brûle, c'est à 60% de l'acide formique. Et c'est aussi produit par la dégradation de débris végétaux. Actuellement, c'est comme ça qu'on récupère l'acide formique pour l'industrie. C'est-à-dire qu'on prend des débris végétaux, on distille et on obtient de l'acide formique. On peut aussi obtenir de l'acide formique à partir du CO2. On prend du CO2 pur, on fait une réduction chimique et on obtient de l'acide formique. Et la dernière source d'acide formique naturelle, ce serait à partir de la rhubarbe. C'est-à-dire que la rhubarbe, on peut manger la tige, mais dans la feuille, il ne faut pas la manger parce qu'il y a un acide qui s'appelle l'acide oxalique. Donc, l'acide oxalique, c'est ça, comme vous le voyez. En fait, en chauffant dans un solvant organique, on coupe cette liaison-là et on obtient 2 molécules d'acide formique. Donc, en se débrouillant bien, on peut produire une plante qui à la fois donnerait de la nourriture et de l'énergie. Donc, c'est ce genre d'industrie qu'il faut relancer. Puisque là, actuellement, ce qu'on fait, c'est on brûle du pétrole, alors qu'on a scientifiquement des méthodes qui nous permettraient de produire de l'énergie à partir de ressources renouvelables et écologiques. Donc, pour cette réaction, je l'ai trouvée dans un article scientifique en accès libre de 2010, qui est sorti dans le Journal of American Society de J.C. Bodian. Et ils ont sorti, c'est la même équipe a sorti en 2011 un autre article dans la revue Science. Donc c'est sûr, c'est scientifique, c'est pas moi qui l'ai inventé, vous pouvez le vérifier par vous-même. Voilà, en gros, comment ça se passe, comment je propose de produire de l'énergie à partir de ressources naturelles et éco-responsables. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est applicable partout, c'est-à-dire dans tous les endroits et à tous les moments de notre vie où on a besoin d'essence? Est-ce qu'on peut utiliser ce procédé? Et pourquoi, si oui, pourquoi est-ce qu'il ne l'est pas déjà? Alors oui, c'est applicable partout. Enfin, il faut au préalable obtenir le catalyseur. Ça, on peut pas le faire chez soi, en fait. Il faut une industrie derrière. Pour l'instant, c'est pas utilisé. Je pense que c'est à cause des lobbies du pétrole. Je vais pas faire le conspirationniste, mais la seule entreprise aujourd'hui qui existe qui utilise cette technologie, c'est Neha Dubai Corporation. Donc ça se passe à Dubaï. Encore une fois, je veux pas faire le conspirationniste. Oui, c'est totalement envisageable. On peut avoir des voitures. En fait, le truc, c'est que les voitures à hydrogène, ça existe déjà. Mais ce qu'on fait actuellement, ce qu'ils font dans l'Aveyron, c'est qu'ils font le plein de leur voiture avec du dihydrogène directement. Ils mettent 14 litres de dihydrogène sous 3 barres de pression dans leur voiture. Le truc, c'est que s'il y a la moindre fuite, s'il y a la moindre faille, s'il y a un petit peu d'air qui rentre, ça va exploser. Ça va exploser fort. Et du coup, serait beaucoup plus sûr de mettre de l'acide formique dans la voiture et de produire le dihydrogène et de le consommer au fur et à mesure. Comme ça, ça éviterait justement que s'il y a une fuite dans le réservoir d'acide formique, ça ne va pas exploser. C'est moins dangereux à manipuler que le pétrole. Bon, après, l'acide formique, ça reste quand même un acide fort, donc ça provoque des graves brûlures, il ne faut pas le respirer et tout. Mais que, si on compare un réservoir d'acide formique avec un réservoir de dihydrogène, le réservoir d'acide formique est beaucoup, beaucoup moins dangereux. Voilà. Donc là, en ce moment, dans l'Aveyron, ils ont fait des tests, ils ont lancé des voitures qui roulent à l'hydrogène. Et le jour où ça va péter, tout le monde va se dire « Oh, le dihydrogène, c'est dangereux, il faut arrêter ça. » Plutôt que directement faire bien les choses, ils font les choses à moitié et après, il va falloir trouver des solutions quand le scandale va éclater. Donc voilà, il faut prévenir les gens, il faut dire qu'il y a d'autres manières de faire. On peut utiliser le dihydrogène de manière sûre, mais pour ça, il faut passer par l'intermédiaire acide formique. Merci. Est-ce que c'est 100% écologique ? Est-ce qu'il y a des émissions polluantes ou c'est totalement propre ? Alors, comme tu le vois, cette réaction est produit du CO2. Donc, c'est pas considéré comme un polluant parce que c'est un gaz qu'on respire tous les jours, qui est pas spécialement nocif, mais ça reste un gaz à effet de serre. L'avantage, comme je l'ai dit, c'est que brûler un litre de dihydrogène, ça produit l'équivalent en énergie de 3 litres d'essence. Donc si on utilise cette technologie, on produira 3 fois moins de CO2 pour produire la même énergie au final. Au niveau des... comme tu peux le voir dans cette réaction, ça ne produit pas de métaux lourds. Donc il n'y a pas de pollution, pas de saleté, pas de particules fines qui sont rejetées dans l'atmosphère. Et là où il y aura un petit peu de pollution, c'est pendant la fabrication du catalyseur, puisque justement ça fait intervenir de l'industrie. Donc pour être totalement honnête, il faut que j'en parle. Il y a de la production de CO, du monoxyde de carbone. On peut le recapter, normalement on peut faire les choses bien. Il faut que ce soit fait avec de la bonne volonté en fait. C'est ça qui manque. C'est que cette technologie elle existe, mais il n'y a aucune bonne volonté pour la mettre en avant, pour en parler. Parce que l'article dont je vous parlais, qui a posé les bases justement de cette réaction, ça date de 2010-2011. Donc ça fait plus de 5 ans que les choses existent et que personne n'en parle. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Merci. Je suis pas arrivé au tout début, donc en termes de rendement, qu'est-ce que ça donne pour la production de l'acide formique ? Et les coûts que ça implique aussi par rapport à du pétrole typiquement ? Alors en termes de rendement, pour l'acide formique, en fait ça dépend des sources, parce que comme t'es pas arrivé au tout début, je vais recommencer. Pour produire l'acide formique, en fait il y a plusieurs sources disponibles. La source qu'on utilise actuellement, c'est la dégradation des déchets végétaux. Et ça on peut l'utiliser, ça coûte pas cher, c'est déjà utilisé dans l'industrie. On peut aussi envisager la production d'acide formique par rapport au venin des fourmis, en fait, qui est à 90% de l'acide formique. Donc j'ai trouvé une étude scientifique qui disait que pour chaque tir de fourmi, elle produit 0,3 microlitres de venin. Donc en gros, il faudrait 3 millions de tirs pour obtenir 1 litre. Enfin, pour obtenir 3 litres, pardon. Donc c'est beaucoup, mais en même temps, c'est envisageable. Si on fait des fourmilières industrielles, on peut obtenir des rendements qui sont tout à fait envisageables. Enfin, c'est tout à fait envisageable de faire une. Merci. Et il y a deux autres sources dont j'ai parlé, c'est les orties. Donc ça, c'est une ressource écologique, responsable. Et en plus, planter les orties dans des sols qui sont pollués, ça permet de nettoyer le sol. Donc on pourrait nettoyer des sols et produire de l'énergie en même temps. Et les orties produisent tout au long de l'année. Le seul moment où il ne faut pas récupérer l'acide formique sur les orties, c'est quand ils sont en fleurs. Donc il y a juste une période de l'année où il faudra se calmer là-dessus. Et la dernière source que j'ai trouvée qui pourrait être envisageable, c'est la rhubarbe. parce que la rhubarbe, comme de nombreuses plantes, elle produit un acide qui s'appelle l'acide oxalique, c'est ça? Dans la tige, on la mange, et dans la feuille, en fait, faut pas la manger parce qu'il y a une concentration qui est importante d'acide oxalique. Et on pourrait récupérer l'acide oxalique, et en chauffant dans un solvant, dans de la graisse, en fait, on peut couper cette liaison-là et produire deux molécules d'acide formique. Donc en fait, on pourrait planter de la rhubarbe et du coup faire une plante qui donne à la fois de la nourriture et de l'énergie de manière propre. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Je suis censé être le modérateur, mais j'ai des questions, effectivement. J'en profite. Nous, à Debout Éducation Populaire, on fait un atelier qui s'appelle « Quelle société veut-on ?». Et effectivement, on a parlé des voitures, notamment. Et on a eu tout un débat, en fait, sur pourquoi la voiture et sur le temps, en fait. C'est assez particulier. C'est-à-dire que la voiture, on a fait ça pour aller le plus vite possible, entre guillemets, ou plus vite qu'on le faisait déjà. Et en fait, peut-être la solution, ce que tu nous proposes, pourquoi pas pour des véhicules type ambulancier, pompier, enfin des choses où effectivement là on a besoin d'une certaine rapidité, mais pour le reste en fait pas de voiture du tout. Là on voit que l'industrie va plus vers des voitures électriques, commence à y aller, ou des hybrides. Or l'électricité c'est fait aussi par une autre énergie et par quelque part, bon, je fais un gros raccourci, mais par le pétrole, mais vraiment un gros raccourci. Donc du coup, c'est vrai que, après, on l'a vu, faire un truc 100% écologique, c'est compliqué. Après, c'est peut-être nous, réapprendre à vivre, entre guillemets. Et c'est vrai que j'avais aussi une autre question, pour le coup, parce que on était déjà venu te voir, c'est où t'en es dans cette diffusion d'informations, parce que t'étais déjà venu nous voir il y a quelques mois. Et deuxième question, faudrait pas non plus que ça soit un truc comme le soja, par exemple, où on fait plein de trucs de soja, mais du coup on détruit des terres, on fait que du soja, et c'est un vague, enfin c'est juste un, comment dire, une destruction de terres, notamment en Amérique latine, et finalement ça fait plus de mal que de bien. Comment ça, commençons par la rhubarbe? D'accord. Non, le principe c'est que, comme je le disais, il y a plusieurs sources naturelles pour récupérer l'acide formique. Donc ça c'est intéressant, puisque comme ça, plutôt que de faire de la monoculture, justement comme le soja tu disais, on peut à la fois faire des fourmilières, à la fois faire de la rhubarbe, à la fois faire d'autres plantes qui produiraient de l'acide formique, et du coup ça permet justement d'éviter la monoculture et tous les travers qui vont avec. Après tu parlais des voitures électriques. Pour l'instant, les trois quarts des voitures électriques, elles tournent grâce à une batterie, et on utilise en fait au final l'énergie, soit l'énergie nucléaire, soit l'énergie publique pour recharger sa batterie. Là, l'avantage, c'est que le dihydrogène, on peut soit utiliser un moteur à combustion en faisant rentrer du dihydrogène et de l'oxygène et faire l'explosion du dihydrogène pour faire avancer la voiture, soit on peut utiliser ce qu'on appelle une pile à combustible. Et ça permet de produire de l'électricité à partir du dihydrogène. Et le rendement en énergie est meilleur. Mais le problème, c'est que dans la pile à combustible, ça fait intervenir une autre industrie. Il faut du platine, il faut des métaux rares. Donc, moi, je pense que le mieux, c'est de faire des moteurs à combustion avec le dihydrogène pour avoir les voitures les moins avec la moins grosse empreinte écologique. Est-ce que vous avez d'autres questions? Par rapport au biocarburant dont on entend pas mal parler et dont on dit beaucoup que justement ça consiste en plutôt des monocultures et une surface utilisée assez incroyable. Ouais, comment est-ce que ça se place, ça? Est-ce que en termes de surface, justement, parce que qu'il y ait un peu plus de diversité, qu'on puisse cultiver plusieurs plantes, c'est une chose, mais le rendement, c'est quand même important par rapport aux surfaces pour l'alimentaire, par exemple. Là, on peut repartir de la rhubarbe, pour le coup, puisque du coup, ça allie alimentaire et énergie. Et là, quand tu parles des monocultures, c'est vrai que... Des biocarburants, c'est vrai que c'est de la betterave, c'est des choses que les gens pourraient manger, mais au lieu de ça, on en fait du carburant. Donc c'est vrai que en termes de culture, en termes de place que ça va prendre, je ne sais pas. Je préfère être honnête. Hein. Il faudrait faire des études de développement. Le truc, c'est que pour l'instant, il y a les brevets sur les il y a des brevets, il y a des blocages législatifs qui empêchent justement de faire ce développement qui pourrait être intéressant. Tout à l'heure, il y a une partie de la question auquel je n'ai pas répondu. C'était par rapport à mon avancée dans la diffusion de cette idée. Je vous invite à consulter mon blog. C'est projeth2.wordpress.com où vous pourrez retrouver toutes les informations d'une que j'ai citées et d'autres informations complémentaires comme comment on synthétise le catalyseur. Alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Tu as parlé d'éviter la monoculture en multipliant les cultures pour obtenir de l'acide formique. Tu as donné l'exemple du soja, le contre-exemple du soja. Malheureusement, si on doit produire de l'acide formique de manière industrielle, on va obtenir des monocultures de rhubarbe, de tout ce que d'ortie, de tout ce que tu veux. Et pire, on va avoir des boîtes comme Monsanto Bayer maintenant, qui vont produire des transgéniques pour obtenir un meilleur rendement de production d'acide formique. Voilà. Ok, bon, je vais embrayer sur un autre sujet, les OGM, puisque tu parles de Monsanto. Les OGM, c'est pas forcément mauvais. Ok, là, les OGM de Monsanto, ils ont été étudiés, justement, ils ont été fabriqués pour pouvoir supporter les insecticides, et du coup, ça leur permet d'obtenir des meilleurs rendements en balançant des insecticides, et du coup, ça fout des perturbateurs endocriniens partout. Mais dans l'absolu, on pourrait travailler le génome d'une plante pour qu'elle ait un meilleur rendement. On pourrait faire des orties OGM qui pousseraient plus vite, tout simplement, sans avoir à... En fait, c'est l'insecticide qui est mauvais dans l'OGM. C'est pas forcément le fait de tripatouiller les gènes. D'un autre côté, en plus, pour la production d'acide formique, là, les OGM qui seraient utilisés, ce seraient pas des trucs qu'on va manger. Donc, pour le coup, c'est vraiment... Ça peut perturber les écosystèmes des abeilles. Mais si les abeilles souffrent des OGM, c'est justement parce qu'ils mettent des insecticides partout, parce que leurs OGM sont résistants aux insecticides. Donc, mais il y a différents moyens de modifier le génome des plantes. On n'est pas obligé de faire des plantes résistantes aux insecticides. On peut aussi faire des plantes qui vont pousser plus vite. On peut... Il se trouve que en descendant vers Avignon, il y a eu quelque chose, enfin si on peut appeler ça Avignon, parce qu'ici pareil brûle-t-il, on le sait tous, on n'est pas en France. En descendant par là-bas, il y a carrément toute une plaque qui a été satellisée, quoi, et derrière il y a des insectes comme des abeilles qui dévorent des gaz. Parce qu'ils sont attirés par les gaz, sauf que c'est par des plantes qui sont transgéniquement formatées, quoi. Ce qui réduit la teneur en culture des agriculteurs normaux, quoi, et qui crée un problème technique, parce que, en règle générale, quand ça fait ça, on peut pas cumuler les deux. On peut pas faire une culture génique normale, à moins de faire des orchidées, mais on peut pas faire une culture génique normale et de l'élevage dans des endroits où les gens mettent des choses comme des panneaux solaires, mais ça s'apparente pas réellement à des panneaux solaires. Hein. C'est pire que ça, quoi. Mais c'est réellement dangereux parce que ça dérègle les insectes. Et après, les insectes, ils volent en nuages et ils atterrissent sur les humains et ils risquent de les contaminer avec la transgénie de ces choses, quoi. Personnellement, moi, je pense à une chose logique. C'est pas le cas de tout le monde, mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut se méfier partout où on va. Il y a toujours derrière nous une chose qui va détraquer le système génique des choses, alors que si on reste normal, on a une vie parfaite. Ce qui est quand même assez inepte. C'est ce que je pense. Après, ce que je vous dis, c'est la vérité. Il ne faut pas aller dans certains endroits parce que non seulement c'est pas agréable, mais ensuite ça détraque la nature. Et la nature, elle n'a pas demandé ça. La nature, elle est plus forte que l'homme. Elle reviendra toujours. L'homme, lui, ne reviendra pas. C'était ce que j'avais à dire. Et tu as raison. Parce que, comme tu disais, on peut pas là où on utilise des plants OGM, on peut pas faire d'autres cultures. Parce que en fait, ce que je disais tout à l'heure avec le Roundup, en fait, c'est pas seulement un insecticide, c'est aussi un herbicide. C'est pour ça que ça tue les autres saloperies. Mais d'un autre côté, on n'est pas obligé de faire des plantes qui seraient qui supportent des plantes OGM, que je veux dire, qui supportent les insecticides et les herbicides. On peut faire des OGM. Qui pousserait plus vite ou des, mais c'est vrai que c'est jouer à Dieu. À un moment ou un autre il y a les limites du système qui s'imposent, mais ça nous sert à faire plein de trucs, ça nous sert aussi à nourrir les gens. Ouais, j'ai une position un petit peu différente sur les OGM, parce que je trouve qu'il y a quand même un certain nombre de problèmes qui vont avec. Après, je suis pas un anti-OGM, je suis étudiant en thèse en biologie, en fait. Et donc, notamment, il y a pas mal de problématiques en termes de brevets de gènes, des choses comme ça qui se passent actuellement. Donc, l'idée de derrière une variété OGM, il y a forcément un problème de lobby qui va se mettre actuellement, parce que si une firme contrôle un gène, du coup, elle peut imposer pas mal de choses à ceux qui font pousser la plante. Et puis, en termes de biodiversité aussi, c'est quand même assez, il y a quand même des limitations assez fortes. Si on se retrouve avec des surfaces incroyables peuplées d'un seul OGM, on a une sensibilité qui est assez forte à des pathogènes éventuels. Donc, je ne décris pas les OGM tout le temps, mais je trouve qu'aujourd'hui, on en parle un peu beaucoup avec CRISPR-Cas9 aussi, la méthode magique pour modifier les choses qui est encensé à l'Assemblée, à l'Académie des sciences, etc. On a tendance à un peu aller trop là-dedans, puisque c'est des... Enfin, CRISPR-Cas9, ça a été inventé par une Française, notamment, et donc, du coup, on dit amen à tout à propos de ça, donc voilà, moi, je suis un petit peu plus mesuré, on va dire. Ouais, bon, là, on est sur les OGM, c'était pas mon sujet de base, mais le problème, au final, c'est la monoculture, puisque les OGM. Parce que si on n'utilise que des OGM partout et que c'est toujours le même, c'est vrai que s'il y a un agent pathogène qui en tue un, il va tuer tout le champ. Et du coup, on se retrouve dans la merde. Donc, j'ai pas... C'est vrai qu'il y a un vrai, véritable problème par rapport au brevet. On peut pas breveter le vivant et à l'échange de technologies. Parce que là, les articles que j'ai trouvés, j'ai mis du temps à les trouver et j'ai eu de la chance qu'ils soient en accès libre. Parce que la plupart du temps, il faut payer la revue Science, il faut payer nanana. Donc ça, c'est un autre problème. Et c'est, d'ailleurs, ça fait partie des blocages sur cette technologie. Plutôt que d'utiliser du dihydrogène et de le produire par nous-mêmes, il y a des blocages de brevets qui nous empêchent d'avoir accès à ces technologies. Moi, je vais savoir ce que tu en penses. En fait, j'ai fait des études agricoles et j'ai vu un système aussi où on peut créer de l'énergie. Où c'est un méthaniseur, en fait, où dedans on met la matière organique qui se dégrade dans le méthaniseur. En fait, ça crée un gaz qui va créer de l'énergie. Et je pense, en fait, qu'il y a plein de méthodes déjà qu'on sait, en fait, où ça fait de l'énergie propre avec du propre. Où, voilà, on produit pas trop. Et après, je pense qu'en fait, le problème, c'est que comme on est dans un état, on va dire, capitaliste, et c'est voilà, des brevets, etc. Le problème, c'est comme tu dis, en fait, tous les trucs alternatifs qui produisent pas vont jamais être balancés au public, ils vont jamais être développés. Mais il y a quand même pas mal de choses comme cette chose-là qui offre pas mal d'énergie, qui a un gros potentiel, et que si on le développe, tout le monde peut agir là-dessus. Donc, je vais savoir ce que tu en penses, et voilà, là-dessus, sur cette chose-là. Je voudrais te dire qu'il n'y a pas de solution magique. C'est-à-dire que même le truc dont tu parlais, le méthaniseur, Ils utilisent en fait de la matière organique en décomposition et ils produisent du méthane et après on brûle le méthane. Le truc c'est que la combustion elle est jamais parfaite à 100% et du coup il y a du méthane qui va se retrouver libéré dans l'atmosphère et le méthane sur l'effet de serre il a 1000 fois plus d'impact que le CO2. Donc en fait moi ce que je pense c'est que plutôt que d'utiliser une seule source d'énergie, là en l'occurrence on n'utilise que le pétrole, on devrait utiliser plein de petites sources différentes parce que comme tu le dis il y a plein de petites solutions différentes. Mais comment après j'ai pas la solution pour vraiment faire changer les choses, pour vraiment éviter l'impact des lobbies et les limitations législatives qui s'imposent. Je sais pas, il faut peut-être faire pression depuis la rue pour pousser à ce genre d'initiative. Moi c'est ce que je fais là par l'éducation populaire. Mais je sais que j'ai aucun poids politique. Il faut être honnête. Voilà, j'ai pas trop d'autres trucs à dire sur ce sujet. Est-ce que... J'ai juste une question sur tu disais faire produire par des fourmis éventuellement. Est-ce qu'il y a d'autres exemples d'insectes qu'on utilise comme ça pour produire des choses à grande échelle en fait ? Je connais pas. Bah, y a les abeilles. D'ailleurs, on peut utiliser de l'acide formique comme antimite dans les ruches. C'est un peu plus propre que les saloperies qui mettent les insecticides normaux. Non, je vois pas trop d'autres exemples d'insectes utilisés de manière industrielle, de manière. Et pourtant, hein, y a du potentiel. Hein, je veux dire. Alors, pour extraire concrètement le venin des fourmis. En fait, il suffit de les attaquer avec une éponge. Et après, on presse l'éponge et on récupère le jus. Tout simplement parce que c'est un réflexe de défense. Quand il y a un ennemi qui s'approche de la fourmilière, elles vont tirer, elles vont mordre et elles vont vider leur sac à venin sur la cible. Donc, tu peux le faire dans la nature. Hein, tu vas sur une fourmilière, tu tapotes et tu sens, c'est de l'acide formique que tu sens en fait. Pour le faire industriellement, pour le faire, bah ça récupère le liquide, oui. Après, il faut le, ouais, bah il faut, tu prends un sopalin par exemple. Après le sopalin, tu le mets dans un bocal hermétique. Et après tu récupères, soit tu distilles, soit tu presses. Il faut, encore une fois, il y a une étape de développement à faire avant pour rentabiliser le système, pour que ce soit vraiment efficace, efficient. Mais dans l'absolu, je vois, il n'y a aucune raison que ce soit pas possible, quoi. C'est plutôt volatile, c'est une molécule qui est assez légère. Et du coup, c'est pour ça que je te disais de le mettre dans un truc hermétiquement fermé pour être sûr de récupérer un maximum. Parce que c'est vrai que... Mais du coup, comme c'est volatile, c'est aussi facile à récupérer. Il suffit de récupérer les gaz et refroidir et ça va se condenser de l'autre côté. Donc ça c'est l'avantage parce que ça nous permet de faire une distillation sans trop chauffer, sans trop apporter d'énergie. Et ça c'est ça au niveau de l'éco-responsabilité. Moins on utilise d'énergie, mieux c'est. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions ? Il y a pas grand monde. Bah écoute, du coup, moi j'ai pas spécialement de questions, mais tu as autre chose à rajouter ou on peut conclure tranquillement, voilà. Après, il y a un autre atelier qui nous attend derrière, donc tu peux conclure tranquillement, je pense, s'il n'y a pas d'autres questions. N'hésitez pas à intervenir, même si vous êtes au fond de la place, assis à côté de la statue, on peut aller vers vous, vous pouvez venir vers nous. Ok, bah pour conclure, moi j'aimerais bien présenter cette réaction comme un moyen de ne pas utiliser de pétrole et donc à long terme d'arrêter les guerres pour le pétrole, puisque à l'heure actuelle, quelles que soient les excuses, la religion, tout ça qui est présenté, la réalité c'est que ces guerres-là elles ont lieu pour des pipelines, des oléoducs et tout ça on peut s'en passer en fait. On peut s'en passer en produisant nous-mêmes localement au niveau national notre propre énergie. Et donc sans dépendre des ressources des autres pays. Voilà. Bah merci beaucoup, en tout cas pour ton exposé. Je crois que tu as mis des petits stickers qui sont disponibles Voilà, si les gens veulent avoir plus d'informations. Du coup, en fait, on va vous proposer, on a un atelier de l'autre côté de la place. Donc on va vous proposer de faire une translation de l'autre côté, voir ce qu'ils font, ou ce qu'ils vont commencer à faire en tout cas. Nous ici, on sera de retour aux alentours de midi pour Alessandro qui vient nous parler de violence policière, un thème d'actualité, de racisme qui est toujours malheureusement d'actualité, et guerre à la drogue. Voilà. Donc si vous voulez aller vers le fond de la place, n'hésitez pas. Voilà, je sais pas trop ce qui se trame, mais on va aller.